EDF. Vous voyez ce radiateur là ? Ah, ben non, évidemment. Eh bien, sachez que le radiateur devant moi fonctionne et pourtant, je fais 7% d'économie sur le chauffage. Mais quel est ce prodige, me direz-vous ? Eh bien, j'ai juste baissé la température d'un degré. Ça fait partie des gestes utiles EDF pour faire des économies et préserver le système électrique. Je baisse, j'éteins, je décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes-utiles. Source ADEME, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, quand la Joconde quitte le Louvre ou le secret des voyages de Mona Lisa. Depuis plus de 2 siècles, la célèbre peinture de Léonard de Vinci est le joyau du musée parisien. Chaque année, plus de 7 millions de visiteurs, français ou étrangers, viennent l'admirer, exposée dans la grande salle des États, au premier étage du plus grand musée d'Europe. Quelle force tout de même cette Mona Lisa au look si commun. Mais ce regard qui vous hypnotise, et le tour est joué, elle vous séduit pour toujours. Rares pourtant sont ces amateurs d'art, de touristes et d'étudiants, à savoir que bien avant d'être installé derrière une vitre à l'épreuve des balles, la Joconde a quitté à plusieurs reprises son pied-à-terre parisien pour parcourir le monde. La première fois, elle a été volée, la seconde, elle a fui le nazisme, la troisième, elle a joué de globe-trotteur aux États-Unis, en Russie et au Japon. Derrière chacune de ces histoires se cache une époque et des secrets qui n'en seront plus d'ici la fin de cette émission. Notre invité aujourd'hui, Vincent Delieuvin, historien de l'art, spécialiste de la peinture italienne. Il est le conservateur en chef chargé de la peinture italienne du XVIe siècle au musée du Louvre. Il est en quelque sorte l'ange gardien de la Joconde. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Cara, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Denante, réalisation Frédéric Milano. Mardi 8 janvier 1963, New York. Un géant des mers entre dans la baie de l'Hudson. Après 5 jours d'une traversée de l'Atlantique, le plus long paquebot du monde, le France, fait une arrivée triomphale à Manhattan. Sur les images filmées par hélicoptère, on distingue la coque noire du navire, son pont blanc et ses 2 cheminées rouges. Autour, plusieurs bateaux des pompiers new-yorkais projettent d'immenses gerbes d'eau. D'ordinaire, un tel accueil a lieu uniquement lors de la première escale d'un navire dans un port. Mais si aujourd'hui les Américains déroulent de nouveau le tapis rouge au paquebot France, c'est parce que ce dernier transporte une passagère exceptionnelle, la Joconde. Rien que ça. Une fois le navire à quai, le ministre français de la Culture, André Malraux, est le premier à monter à bord. Arrivé la veille par avion, il est l'envoyé spécial du général de Gaulle. Derrière lui, John Walker, directeur de la National Gallery, apparaît sur la photo. Une 50aine de journalistes, 2 caméramans et 2 photographes ont été accrédités pour la cérémonie d'arrivée. Parmi eux, il y a le correspondant de France Inter, Robert Sezet. Micro en main, il frappe à la porte des cabines de la première classe pour tenter de savoir où se trouve celle qui s'est enregistrée lors de son départ au Havre sous le nom de Mona Lisa, en toute simplicité. Pardon monsieur, je vous prie de m'excuser. Apparemment vous êtes un passager, savez-vous où se trouve la Joconde s'il vous plaît? Un peu plus loin monsieur. Un petit peu plus loin, dans la coursive, à 10 mètres environ d'ici. D'ailleurs, vous verrez, il y a un attroupement à côté. Est-ce que vous avez fait un bon voyage, monsieur? Un excellent voyage. D'ailleurs, nous avons été gâtés par des pâtisseries à l'image de la Joconde, et même le gala du commandant était placé sous le patronage de la Joconde, de la Mona Lisa. Si j'ai bien compris, monsieur, votre cabine se trouve juste à côté de celle où se trouve la Joconde, n'est-ce pas? Oui, monsieur, c'est un privilège. J'ai fait 2 croisières jusqu'ici à bord du France. La première, j'avais l'honneur d'être à côté de Madame de Gaulle. Cette fois, j'ai encore l'honneur d'être à côté de la Joconde. Je me demande la troisième fois à côté de qui je serai. Alors que Robert Sezet et ses confrères finissent par se faire ouvrir la cabine de la Joconde, ils découvrent avec stupeur que le précieux tableau a disparu. En réalité, et pour éviter de manipuler la peinture du maître, dans une coursive étroite avec du monde partout, notre amie Mona a été extraite en secret de sa cabine quelques minutes avant l'arrivée du paquebot à New York. C'est ainsi que, dans les instants qui suivent, encadré par des gardes du corps, le sarcophage contenant la dame apparaît enfin dans le grand salon de réception. Conçu par les équipes du musée du Louvre pour être totalement hermétique, cette boîte, constituée de métal, de grandes dimensions, plus de 2 mètres sur 3, cache à l'intérieur un thermostat avec alarme qui se mettrait à sonner si la température venait à varier de plus d'un degré. Pour satisfaire les photographes, le chef pâtissier du paquebot a donc préparé une réplique du tableau, un gâteau. Il l'a placé au-dessus de la boîte sur un chevalet. C'est donc à côté d'un dessert que Malraux Walker pose fièrement pour ce qui est la première photo de la Joconde aux États-Unis. Au fil des minutes, l'excitation laisse place à la tension. Vinci, le tableau de Vinci, est en effet un objet d'art à la valeur inestimable, aussi fragile qu'il est convoité. Mais au micro de France Inter, John Walker, directeur de la National Gallery, se montre confiant. Je suis très heureux que ce grand chef-d'œuvre arrive ici aux États-Unis. C'est une grande responsabilité, mais je suis sûr que tout va très bien. Face à la peur d'un vol ou d'une dégradation, les Américains ont garanti aux Français que l'acheminement du tableau jusqu'à Washington, où il doit être exposé avant de rejoindre ensuite un autre musée à New York, serait digne du voyage d'un chef d'État. Sur le plan pratique, Malraux constate que les Américains en effet n'ont pas menti. Le sarcophage contenant Mona Lisa est placé à l'intérieur d'un fourgon blindé et réfrigéré, à bord duquel embarque l'un des conservateurs de l'équipe du Louvre et un Marines armé de son fusil. Au total, 5 agents des services secrets américains, en temps normal affectés à la sécurité de la famille du président Kennedy, auxquels s'ajoutent 10 autres soldats d'une unité d'élite de l'armée américaine, vont assurer ensemble la protection rapprochée de Mona Lisa 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Quelques heures après avoir débarqué dans la soirée du mardi 8 janvier 1963, ce que le tout Washington compte de responsables politiques, de diplomates, de généraux d'armée et d'amateurs d'art, est invité au musée de la National Gallery, situé non loin de la Maison Blanche. Sur le toit de l'édifice, on voit des militaires avec leurs jumelles, des tireurs d'élite avec leurs fusils, et tout autour du site, des policiers avec leurs chiens. Devant l'entrée principale, une limousine noire, véhicule du président des États-Unis, John Kennedy et son épouse, Jackie. Pour l'occasion, la NASA, oui, même la NASA, mobilise l'un de ses premiers satellites de télécommunication afin de retransmettre la cérémonie inaugurale de l'expo dans le monde entier. C'est donc sous l'œil des caméras qu'André Malraux et son épouse accueillent le couple Kennedy tout près de la Joconde, enfin déballé devant une assistance emballée. Ensuite, André Malraux prend la parole avec l'emphase surannée qu'on lui connaît. Lorsqu'à mon retour, quelques esprits chagrins me demanderont à la tribune de l'Assemblée française pourquoi avoir prêté Mona Lisa aux États-Unis, je répondrai parce qu'aucune autre nation ne l'aurait reçue comme vous. Par vous, Monsieur le Président, et par Madame Kennedy, toujours présente lorsqu'il s'agit d'unir l'art, les États-Unis et mon pays, la plus puissante nation du monde rend aujourd'hui le plus éclatant hommage qu'une œuvre d'art ait jamais reçue. À l'exception du couple Malraux et du couple Kennedy, chaque visiteur, quel que soit son rang, ne peut s'arrêter plus de 5 secondes devant le tableau, auprès duquel deux Marines en grande tenue, baïonnette au canon, montent la garde. Les photos sont interdites, de peur que cela n'occasionne des dégâts sur le tableau, dont certains experts américains ont noté d'ailleurs qu'il était abîmé. En tout cas, la presse américaine accorde un traitement exceptionnel à l'arrivée de Mona Lisa en Amérique et livre aux lecteurs anecdotes et détails rocambolesques. Le Washington Daily News raconte par exemple que Mona Lisa a connu le sort habituel de l'hôte d'honneur à un cocktail de Washington, autrement dit, elle est passée complètement inaperçue dans le tohu-bohu. Un journal de Chicago décrit la Joconde comme une noble ruine à cause des craquelures sur le bois. Oui, car la Joconde n'est pas une toile. Son support est en bois, du peuplier, si vous voulez tout savoir. Présent lors de la soirée, le journaliste de France Inter, Robert Sezet, recueille les avis de deux visiteurs américains. Everyone gets a chance to see a piece of... Ce genre d'exposition ouvert au grand public est importante car elle met démocratiquement à la portée de tous ce qui n'a pu être admiré pendant si longtemps que par quelques privilégiés. Je pense que cela est très bien et je voudrais que cela se produise plus souvent et qu'on nous envoie ici la Vénus de Milo et que l'on vide un peu le Louvre en notre faveur. C'est la toute première fois qu'un tableau signé Léonard de Vinci voyage en Amérique. En 1949, le musée de Los Angeles avait déjà organisé une première grande expo consacrée au peintre italien de la Renaissance, mais uniquement avec des copies et des imitations. Alors la visite de la vraie Mona Lisa aux États-Unis, quel prestige pour les musées américains. D'ailleurs, c'est gagnant-gagnant. L'événement met aussi en valeur l'incroyable patrimoine des musées français, en particulier celui du Louvre. En coulisses, l'idée de ce voyage et de sa réalisation doivent à l'obstination d'une femme, Jacqueline Kennedy. Mais l'autorisation de sortie du territoire du tableau pour l'Amérique revient à une seule personne, le général de Gaulle, qui va sauter sur l'occasion pour une magistrale opération de diplomatie culturelle. Deux ans plus tôt, mercredi 31 mai 1961, Paris. Sur l'avenue des Champs-Élysées flottent des drapeaux français et américains. 500 000 personnes se massent le long du parcours du cortège pour apercevoir John Kennedy en visite chez nous. Escorté par la garde républicaine, le nouveau président américain salue la foule debout à l'arrière d'une décapotable, lunettes de soleil, allure de star de cinéma américaine, la classe. Quelques jours avant de s'envoler pour Paris, le chef du service de presse de la Maison-Blanche, Pierre Salinger, avait lancé une opération de séduction à l'égard de l'opinion publique française. Déjà qu'ils ont un charisme de dingue, lors d'une interview avec des journalistes de la RTF, Jackie et John s'expriment en français et louent l'amitié inébranlable qui unit l'Amérique à la France. Lors de son premier discours, le président américain réaffirme ce lien. Je viens d'Amérique, lointaine descendante de l'Europe, ici en France, qui est le plus vieil ami de l'Amérique, bien avant que mon pays ne soit créé. L'influence française, la philosophie française, la culture française ont mené le monde occidental à un tel niveau que le premier ambassadeur des États-Unis à Paris, Benjamin Franklin, a dit « Chaque homme a en fait deux nationalités, celle de la France et celle de son pays d'origine ». Et avec humour, John Kennedy dira « Je suis l'homme qui accompagne Madame Kennedy ». Lors des cocktails et des réceptions qui jalonnent cette visite, John Kennedy en France, c'est bien Jackie qui vole la vedette aux deux présidents et à l'épouse du français, ce qui n'est pas très difficile, clôt-il. Belle et resplendissante, dans ses tenues colorées, Jackie Kennedy parle un français parfait. Elle aime d'ailleurs qu'on l'appelle de son nom de jeune fille Jacqueline Lee Bouvier et qu'on prononce son nom à la française en hommage à ses origines paternelles. Mais surtout, elle impressionne journaliste et observateur par sa connaissance et son goût pour la culture française. Pendant que son mari s'occupe de diplomatie avec le général de Gaulle, elle visite les musées, elle rencontre les artistes. Parmi eux, il y en a un qui la fascine, André Malraux, homme de lettres devenu ministre de la Culture. Lorsqu'elle étudie à la Sorbonne, Jackie Kennedy a lu La condition humaine de Malraux, justement. Et depuis, elle lui voue une grande admiration. Alors entre eux, le charme opère immédiatement. Malraux devient guide à plein temps de monsieur et madame Kennedy, touriste à Paris. Jackie est très attachée à la promotion des arts visuels. Elle se bat depuis longtemps pour faire venir aux États-Unis les joyaux de la peinture, jusqu'alors exposés uniquement en Europe. Lors de leur dernier dîner, en présence de son mari donc, Jackie confie à Malraux. Vous savez, en visitant le musée du Louvre, je me suis prise à rêver. Rêver que des millions d'hommes et de femmes en Amérique puissent eux aussi voir et contempler, comme j'étais en train de le faire, ce qui est l'un des plus grands chefs-d'œuvre du monde de l'art. Qu'ils puissent voir de leurs propres yeux le génie du peintre Léonard de Vinci. Je sais combien la Joconde vous est précieuse, à vous Français. Mais s'il pouvait exister un mince espoir qu'un jour nous puissions l'accueillir, sachez que le peuple des États-Unis, mon mari et moi-même, vous en serions éternellement reconnaissants. Un peu gêné, Malraux répond dans un anglais plus qu'approximatif « Je verrai ce que je peux faire ». Ce qui signifie pour lui que rien n'est moins sûr, mais que Jackie a interprété comme « Eh bien, il ne reste plus qu'à faire, il n'y a plus qu'à ». Interrogé plus tard par des journalistes américains sur cette question, Malraux assènera cette réponse qui fera grincer les dents des conservateurs du Louvre. la France considère que les chefs-d'œuvre qu'elle possède dans ses musées ne lui appartiennent pas, mais qu'ils sont la propriété de l'humanité entière. Problème. Le tableau de Léonard de Vinci est considéré comme un trésor national, un bien inaliénable et inséparable de la salle dans laquelle il est accroché au musée du Louvre. D'ailleurs, à peine l'idée d'un déplacement de Mona Lisa est-il évoquée, que les conservateurs du musée se fâchent. « Notre patrimoine artistique n'a pas à être utilisé à des fins politiques », lance-t-il par voie de presse. Le directeur des collections du musée du Louvre, lui, met en garde contre le risque fatal d'une dégradation de la peinture en cas de déplacement dans un autre pays. « À cause, dit-il, du changement de la qualité de l'air et de l'humidité qui pourrait ronger le vernis. » De leur côté, des historiens de l'art s'insurgent sur le fait d'offrir, je les cite, « le plus grand bien de la culture française à une nation qui n'a justement aucune culture. » Élégant. À l'été 62, un an après la visite des Kennedy à Paris, l'affaire n'est toujours pas tranchée par les Français. Au grand dam de Jackie Kennedy, qui relance d'ailleurs l'idée au ministre Malraux. Inter, actualité. Ici New York. Le président Kennedy a prononcé hier soir une allocution d'une extrême importance. S'adressant à la nation, il a annoncé les mesures prises par le gouvernement américain envers Cuba. Ça n'est ni plus ni moins qu'un blocus intégral de l'île. Ceci par mesure de sécurité, afin d'arrêter les installations faites à Cuba de missiles de grande puissance capables de frapper tout l'hémisphère occidental. Autrement dit, il y a la Joconde, mais les États-Unis regardent ailleurs. À l'automne 62, en effet, la crise des missiles de Cuba propulse le monde à deux doigts du cataclysme nucléaire. Alors que l'inquiétude s'empare du monde occidental, la France choisit son camp et soutient Washington sans aucune ambiguïté. Pour autant, la relation entre les deux pays est froissée par la stratégie du président français. De Gaulle est curieux des Américains autant qu'il s'en méfie. L'un des principaux sujets de crispation, qui fut d'ailleurs déjà évoqué lors de la venue de Kennedy à Paris, c'est le souhait du président français d'être indépendant en matière de politique de défense et donc de posséder sa propre bombe atomique. Aussi, lorsque Malraux évoque l'idée d'envoyer outre-Atlantique la Joconde, icône ultime de la supériorité culturelle française, dit-il, l'Élysée réalise qu'il s'agit là d'un moyen formidable de prouver aux Américains la bonne volonté française, tout en refusant de céder sur sa politique de défense. De Gaulle va ainsi utiliser ce formidable levier comme un moyen subtil pour refuser d'accueillir dans l'Hexagone les sous-marins américains Polaris et leurs missiles balistiques à tête nucléaire. Sur le plan culturel, le tableau de Léonard de Vinci est victime de son succès. D'abord à Washington, puis à New York, il fait le bonheur de plus d'1 600 000 Américains. Sa popularité est telle que pour la première fois aux États-Unis, des visiteurs font la queue pendant plusieurs heures pour s'approcher de Mona et la contempler, le tout pour une poignée de secondes seulement. Lorsqu'elle rentre à Paris, par bateau, après 3 mois de visite en Amérique, la Joconde retrouve sa place au musée du Louvre. Les conservateurs notent qu'elle ne semble pas avoir été détériorée. Elle a toujours ce sourire satisfait, preuve que tout s'est bien passé. L'épopée américaine de Mona Lisa se termine donc très bien. Mais par deux fois dans le passé, les escapades de la Joconde ont failli tourner au drame. Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you. You're so like the lady with a mystic smile. Is it only 'cause you're lonely they have blamed you for that Mona Lisa strangeness in your smile? Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Or is this your way to hide a broken heart? Many dreams have been brought to your doorstep. They just lie there, and they die there. Are you warm? Are you real? Mona Lisa. Are just a cold and lonely, lovely work of art. On peut dire, et on l'a souvent dit, que la Joconde est le tableau le plus célèbre du monde. Et de ce fait, il faut bien l'ajouter, c'est aussi un des tableaux les plus décevants du monde. Car la plupart des visiteurs du Louvre, des touristes, s'attendent à on ne sait quel éblouissement, à quel choc fulgurant. Et comme les grandes profondeurs de l'art ne se livrent pas comme l'effet d'une affiche de publicité, très souvent, ils s'en vont déçus en déclarant qu'au fond, la Joconde n'est peut-être pas ce grand tableau dont on parle. Ce n'était pas l'avis Léonard de Vinci, ce n'est pas l'avis, je crois, des vrais amateurs d'art. La Joconde est certainement non seulement le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci, mais c'est certainement une des œuvres d'art où le plus profondément l'homme a inscrit son apport. René Huyghe, académicien, historien de l'art. Au tout début du XVIe siècle, c'est dans son atelier de Florence que Léonard de Vinci esquisse les premiers traits de celle qui sera quelques années plus tard sa Joconde. Le coup de pinceau pour ce tableau rompt avec le style traditionnel de l'époque. Car le sujet n'est pas qu'un visage, c'est la représentation d'un corps jusqu'à la taille et d'un ensemble qui vous fascine. Celle qui pose s'appelle donc Mona Lisa. Les meilleurs spécialistes du peintre ont longtemps ignoré sa véritable identité. Il semble désormais admis que la jeune femme était plus précisément Lisa Gherardini, femme d'un riche commerçant florentin qui avait commandé le portrait de sa douce au grand Léonard. S'il s'agit bien d'une commande, la peinture ne quittera jamais le peintre italien. Lorsqu'il est invité par le roi de France, François Ier, Ambroise, il emporte son chef-d'œuvre dans ses valises. À sa mort, en 1519, François Ier rachète le tableau et l'expose dans son château de Fontainebleau. Ensuite, de roi de France en roi de France, Mona Lisa migre à Paris, puis à Versailles, où elle s'expose dans la chambre à coucher de l'impératrice Joséphine, femme de Napoléon Ier, avant de quitter les Tuileries et de s'installer dans la Grande Galerie du Louvre en 1802, où il restera accroché dans la salle carrée du musée, avant qu'un beau jour, il ne disparaisse. À l'époque, le musée du Louvre n'est pas encore le prestigieux musée qu'il est aujourd'hui. La salubrité et surtout la sécurité font clairement défaut. Un constat qu'illustre le poète Guillaume Apollinaire lorsqu'il écrit « Au Louvre, même pas un gardien par salle. Les œuvres ne sont pas cadenassées à la muraille, c'est le laisser-aller, la différence, l'incurie. » Et c'est précisément dans ce contexte qu'en août 1911, la Joconde disparaît. Comble de l'ironie, l'homme qui donne l'alerte est un copiste qui s'apprête à réaliser un faux genre « L'arroseur arrosé ». Au lendemain d'un jour de fermeture du musée, le 22 août, cet homme, du nom de Louis Bérou, découvre quatre clous sur le mur du salon carré où est d'ordinaire accrochée la Joconde. Le tableau a donc disparu. À terre, il n'y a plus que le cadre, ainsi que la plaque de verre qui protège l'œuvre. Sur l'antenne de Paris Inter, le dramaturge Sacha Guitry ironise. Il a fallu organiser au Louvre un service d'ordre pour endiguer la foule innombrable des visiteurs qui venaient pour regarder le clou. Le clou auquel, pendant des siècles, avait été accrochée la Joconde. On me l'avait dit, je ne voulais pas le croire, et moi-même j'y suis allé. C'était vrai, j'ai questionné l'un des gardiens. Et tous les jours, il y a autant de monde que cela. Et le gardien m'a répondu, mais monsieur, c'est à ne pas croire. Elle a beaucoup plus de visiteurs en ce moment qu'elle n'en avait quand elle était là. L'enquête révèle que le voleur a tout simplement décroché la peinture, il l'a roulée, passée sous son bras. Et il est sorti par la porte de service du musée sans même être inquiété par les gardiens, auxquels il a lancé le plus tranquillement du monde. J'emmène Mona Lisa en restauration. Point. Plus aucune nouvelle du tableau. Pendant des semaines, trains, ports, péniches, valises, camions et cheminées sont fouillés dans tout Paris et sa région. toute personne qui transporte un paquet plat et rectangulaire est systématiquement arrêtée et son paquet ouvert. Un véritable climat de paranoïa gagne alors Paris. Guillaume Apollinaire, encore lui, un temps soupçonné de complicité de vol pour avoir crié qu'il fallait brûler le Louvre, est emprisonné, avant d'être relâché tout de même. Picasso, qui a acheté deux têtes ibériques volées au Louvre, est lui aussi inquiété. Malgré des moyens considérables, malgré la promesse d'une extraordinaire récompense à qui le retrouvera, la police française ne mettra jamais la main sur le voleur et sur le tableau. Non. Ce sont les policiers de Florence qui lui mettront la main dessus, 2 ans plus tard. Le grand public découvre alors que c'est un vitrier ouvrier lors des travaux du Louvre qui a dérobé la peinture et qui l'a conservée pendant 2 ans dans le double fond d'une valise en bois, sous son lit, dans une chambre de bonne près du canal Saint-Martin. Face au juge, il prétendra avoir agi par patriotisme pour rendre l'œuvre à son pays. Après quelques années d'errance, Mona Lisa et son sourire rentrent au musée du Louvre. Dans Radioscopie, Magdeleine Ours, conservatrice du musée, explique à quel point la Joconde est à elle seule une affaire sensible. Ce tableau est très contesté, non pas sur le plan... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il est très discuté. Certains l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. Uniquement sur le plan de l'amour. Certains même l'exècrent. Vous savez qu'il y a quelques années, un visiteur a acheté une pierre dans la Joconde. Et elle a suscité des passions. Il y avait, je crois, avant la guerre, un Allemand qui écrivait régulièrement des lettres d'amour à la Joconde. Et je sais qu'un certain nombre de personnes dans les bureaux s'amusaient beaucoup à lire ces lettres. 28 septembre 1939. Le jour n'est pas encore levé qu'un convoi d'une dizaine de camions quitte Paris dans la plus grande discrétion. À l'arrière de l'un d'eux, dans une caisse à double paroi, enveloppée d'un papier imperméable, doublée d'une feuille anti-inflammable, le tout posé sur un brancard d'ambulance à suspension élastique, devinez qui se trouve là ? Mona Lisa, bien sûr. Aux côtés du chef-d'œuvre de Vinci, on trouve aussi « La liberté guidant le peuple » de Delacroix ou encore « La tapisserie géante » de « La dame à la licorne ». Des œuvres jusque-là exposées au musée du Louvre et qui prennent aujourd'hui la fuite à destination de Chambord. Car la Seconde Guerre mondiale arrive. Elle sera déclarée quelques jours plus tard, mais déjà les musées parisiens évacuent leurs trésors. Lors de la Première Guerre, déjà, la Joconde avait trouvé refuge à Bordeaux, puis à Toulouse. L'état est très satisfaisant. C'est un tableau qui est sur son support de bois originel et c'est un support de bois tendre qui ne supporte pas les grandes variations de climat, mais qui a gardé toute sa fraîcheur. C'est un miracle. Un miracle de conservation et un miracle de beauté. Pendant 6 ans, Mona Lisa va voyager incognito sur le territoire de la France libre. Tel un membre de la Résistance, elle a son nom de code, LPO, pour Louvre Paris O. De Chambord, son camion et son chauffeur, garde du corps Pierre Chômeur, prennent la direction de la Sarthe, puis de l'Aveyron. Ensuite, la caisse contenant le tableau est cachée pendant 1 an au musée de Montauban. Mais en mars 1943, les nazis entrent dans la France libre. La Joconde doit fuir. Cette fois, elle rejoint le château de Montal, dans le Lot. La légende raconte que son ange gardien, Pierre Chômeur, dormait armé à l'arrière du camion chaque soir. Le 16 juin 1945, lorsque la guerre se termine, Mona Lisa rentre enfin à Paris. Lorsqu'elle est déballée avec précaution, telle n'est pas la surprise et la joie des conservateurs du Louvre qui constatent qu'elle n'a pas été abîmée. Lorsque le musée du Louvre rouvre ses portes au public en 1947, la Joconde retrouve sa place et son sourire dans la grande salle carrée. Ce n'est qu'en janvier 63 qu'elle quittera de nouveau Paris pour rejoindre donc les États-Unis. Un voyage spectaculaire et triomphal de 3 mois avant de revenir en France. Puis un autre à Moscou et enfin un ultime déplacement au Japon. 16 avril 1974. Sur le tarmac de l'aéroport d'Orly, un Boeing 707 d'Air France se prépare à décoller. L'appareil effectue une liaison spéciale pour Tokyo avec escale forcée à Moscou. Baptisé Opération Jules, chez Air France, l'avion transporte un seul et unique passager, ou plutôt un seul conteneur fermé et climatisé, avec à l'intérieur de celui-ci, soigneusement emmitouflé, devinez qui ? La Joconde, bien sûr. Pour l'occasion, l'appareil a été débarrassé de tous ses sièges. Seuls quelques éminents représentants du Louvre et des conservateurs ont pris place pour accompagner Mona Lisa. Malgré son statut d'œuvre d'art, la Joconde est suspectée par le KGB de participer à une opération d'espionnage. En attendant, elle voyage en super première classe. Pour obtenir l'autorisation de survol de l'Union soviétique, le Boeing d'Air France est donc contraint de se poser à Moscou et d'être inspecté par le KGB. On oblige également Mona à descendre, crime de lèse-majesté. Mais les soviétiques ayant obtenu en échange du survol de leur territoire que le tableau soit exposé quelques jours au musée Pushkin dans la capitale soviétique, eh bien, dont acte. Et puis c'est Tokyo, où Madame Lisa est admirée pendant 2 mois par plus d'1,5 million de personnes. Mais un jour, elle est agressée. Une femme en fauteuil roulant lui lance de la peinture rouge. Mais la Joconde est protégée par une vitre, même par balle. Mona Lisa, c'est un peu comme le pape ou la reine d'Angleterre. Essentiellement décorative, elle voyage beaucoup, avec tous les honneurs. Et à la maison, tout le monde est à son chevet. Lorsqu'elle rentre à Paris en juin 1974, elle retourne prendre ses quartiers au Louvre. Et là, à son chevet donc, on lui découvre une fissure dans le dos jugée préoccupante ainsi que d'autres micro-altérations. Avec une conséquence fâcheuse, déjà impossible à assurer, le chef-d'œuvre est désormais jugé impossible à transporter. Une compagnie suisse estime en effet que la police d'assurance en cas de déplacement serait dans sa fourchette basse de plus de 4 milliards de francs, soit plus de 3 milliards d'euros en prenant en compte le change et l'inflation. En 2005, la Joconde est installée dans la salle des états du musée, entièrement rénovée et qui lui est dédiée. Elle fait face à d'autres chefs-d'œuvre de la peinture italienne, dont les Noces de Cana de Véronèse. Peut-être d'ailleurs qu'elle leur fait des clins d'œil, allez savoir. Sacré malin. Sourire, sourire, toujours sourire, même si l'on te traite de petit lait. Sourire, sourire, toujours sourire, comme si tu buvais du petit lait. Sourire, sourire, toujours sourire, comme un enfant devant le dessert, comme un chameau devant le désert. Sourire à livre, à lèvres ouvertes, et si tu es dans le cirage, barbouilleusant ton visage, tu seras noir et tes dents brilleront comme des diamants. Sourire, sourire, toujours sourire, comme Kelly sous la pluie chantant. Sourire comme un piano content d'avoir Monsieur Vander sous la dent. Sourire tout le temps. Comme Don Juan sur un bon coup, comme Dracula devant un coup. Sourire, sourire, toujours sourire, garde tes larmes étanches et fais par les larmes blanches de ton cœur virginal. Au mal, ça porte un coup fatal. Sourire, sourire, toujours sourire, même si l'on te traite de petit lait. Sourire, sourire, toujours sourire, comme si tu buvais du petit lait. Sourire, je peux pas mieux dire. Sourire, sourire, toujours sourire. France Inter. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la Joconde quitte le Louvre dans le secret des voyages de Mona Lisa. Notre invité, Vincent Delieuvin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historien de l'art, spécialiste de la peinture italienne, conservateur en chef chargé de la peinture italienne du XVIe siècle au musée du Louvre. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres de référence sur la Joconde, dont Léonard de Vinci en 15 questions, paru en 2019 chez Azan. Et qu'est-ce qu'elle a donc, cette Joconde, chez Actes Sud Junior en 2016? Bah tiens, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'elle a donc, cette Joconde, pour être aussi connue dans le monde entier? Qu'est-ce qui fait son charme? C'est une longue histoire, c'est 5 siècles en fait de fascination, mais je dirais que peut-être la chose la plus importante, c'est le sourire. Parce que c'était une originalité déjà du temps de Léonard de Vinci, d'imaginer un portrait d'une dame que vous ne connaissez pas, mais qui sourit. Et ça, ça crée tout de suite un rapport, une interaction avec le spectateur, la personne qui la regarde. Et on a envie de comprendre pourquoi quelqu'un vous sourit dans la rue. Si vous rencontrez quelqu'un, ben, est-ce que c'est un sourire amoureux? Est-ce qu'on est en train de se fouper votre tête? Donc ça crée un questionnement, et je crois que l'origine vraiment de la fascination pour la Joconde, elle est liée à cette expression géniale que Léonard a donnée à son modèle. Et pour le reste, d'un point de vue de la peinture, des lumières, de ce qu'on ressent, qu'est-ce que vous diriez au-delà du sourire? Alors, évidemment, peut-être que ça suffit pas, le sourire. Non, bien sûr, mais parce que le sourire, il est très vivant. Et ça, c'est lié à la technique picturale de Léonard de Vinci, mais aussi à tout son travail scientifique, parce que c'est un artiste qui a fondé son art sur la science. Et oui. Il a disséqué les êtres humains, il a étudié l'expression humaine, il essaie de comprendre comment ça fonctionnait de l'intérieur, pour mieux le restituer dans sa peinture. Et surtout, trouver une technique picturale qui allait pouvoir restituer sa connaissance précise de la nature humaine. Et sa technique picturale, alors c'est une technique virtuose, et la Joconde, c'est le chef-d'œuvre de sa technique picturale. Ce sont des superpositions de couches de matière, donc c'est de la peinture à l'huile très transparente, à peine chargée de pigments, et qui lui permet vraiment, de cette superposition de ce qu'on appelle des glacis, de créer des transitions de l'ombre à la lumière extrêmement subtiles, très naturelles, et qui donnent en quelque sorte une impression de vibration à la matière. La matière bouge, et toujours aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Quand on a la chance, chaque année, la Joconde étant une vieille dame, elle a son examen de santé, donc on la sort de cette grande vitrine sécurisée, et on a la même vibration dans nos propres corps, car la Joconde bouge légèrement. Il y a cette impression de vibration qui est liée à la technique picturale, et du coup, le sourire est véritablement vivant. La Joconde est vivante. Et c'est ça qui a fasciné les contemporains au XVIe siècle, quand Léonard a peint son tableau, c'était déjà un immense chef-d'œuvre. Parce que, imaginez-vous, à l'époque où il n'y avait pas ni photographie, ni vidéo, ni quoi que ce soit, une peinture qui avait cette capacité de restituer la vibration, le mouvement de la vie, c'était virtuose. Léonard était presque un magicien pour les contemporains. C'était une rupture dans l'histoire de la peinture, en tout cas un tournant. Tout à fait. En fait, on se rend compte parce que le premier grand historien de l'art du XVIe siècle, qui s'appelait Giorgio Vasari, l'a dit, Léonard, c'est celui qui a ouvert un nouveau chapitre de notre art. Il appelait ça la manière moderne. Alors, qu'est-ce que c'était que la modernité? Eh bien, Léonard s'était pas contenté de représenter l'extériorité des choses, des formes. Il était parvenu à représenter l'intériorité, le sens, le mouvement de la vie physiologique, psychologique, et notamment de cette fameuse Mona Lisa. Et ça, c'est quelque chose de vraiment nouveau à la Renaissance. En plein bouillonnement justement de cette fameuse Renaissance. Donc il est, on va pas dire, on va pas décréter un leader de la Renaissance, mais peut-être la plus grande figure. Tout à fait, et les contemporains en étaient conscients, c'était celui qui était en quelque sorte parvenu à l'accomplissement. Il y avait de longues recherches, évidemment il n'est pas parti de rien, il s'est formé à Florence, il a appris beaucoup de choses de ses contemporains, de son maître, mais c'est quelqu'un qui allait au-delà, justement, qui a voulu comprendre les choses de l'intérieur. Il est devenu un scientifique pour devenir un très grand artiste, le plus grand artiste, et ça lui a permis justement d'aller encore plus loin que les autres et d'accomplir en quelque sorte la Renaissance, et de parvenir à ce chef-d'œuvre ultime qui a été une référence pendant des siècles après sa mort. Le succès de la Joconde est-il lié également aux mystères, polémiques et anecdotes sur son histoire qui l'entoure? Bien sûr, alors c'est une succession de vraiment ces 5 siècles de fascination. D'abord les contemporains qui sont émerveillés de voir un tableau qui a une vie en quelque sorte, une vie intérieure. Et puis il y a ce premier historien d'art, Vasari, qui dit mais c'est un chef-d'œuvre extraordinaire. Oui, personne ne pouvait voir la Joconde, elle était chez le roi de France, elle était inaccessible. En revanche, ce livre était publié, on pouvait le lire partout en Europe, on lisait ce livre et on savait que c'était un des plus grands chefs-d'œuvre de la peinture. Tout le monde avait envie de la Joconde. C'est-à-dire comment ça qu'on a commencé à en faire plein de copies dans le monde entier qui se sont développées. Et puis après, il y a cette histoire du trésor des rois de France, François Ier, Louis XIV, tout le monde l'emporte avec lui dans la pièce qui lui est le plus cher. C'est vraiment l'un des trésors de la collection royale. Et puis évidemment, il y a toute cette vie au musée du Louvre où alors elle est désormais beaucoup plus accessible. Pas seulement les amateurs, mais tous les gens qui visitent le musée qui peuvent la voir. Et effectivement, elle commence à fasciner, on commence à se questionner sur son identité, sur sur la raison de son sourire, sur aussi le mystère de cette technique picturale si virtuose. Comment Léonard est parvenu à faire quelque chose d'aussi magique? Et donc, tous ces questionnements ont fait que, eh bien, un jour, effectivement, un monsieur italien qui s'appelait Vincenzo Perugia a volé le tableau parce que c'était déjà un immense, immense chef-d'œuvre depuis 4 siècles. Alors, vous faites partie de cette poignée de privilégiés à pouvoir admirer chaque jour la Joconde. Question simple, comment va-t-elle? Alors la Joconde, elle va c'est comme une arrière-grand-mère qui sera en bonne forme, qui aurait toute sa tête. Donc elle va en apparence très bien, mais elle a des fragilités intrinsèques. C'est pour ça que elle est dans un merveilleux état de conservation. Ça c'est vrai. Nos prédécesseurs ont fait tout ce qu'ils ont pu pour parfaitement la conserver. Mais elle est très vieille cette dame. Elle a plus de 500 ans et donc avec le temps, elle a ses rides, ce sont ses craquelures et surtout elle a les côtes cassées en quelque sorte. Elle a une fissure énorme qui traverse le panneau de bois, qui démarre du haut, vraiment au niveau du ciel, et qui descend, il descend miraculeusement, il s'est arrêté au niveau du front, mais on sent que c'est en train de... Enfin, ça pourrait se poursuivre, et les mouvements, les changements climatiques pourraient évidemment être fatals. Le risque, c'est grosso modo que le tableau se casse en deux, et ça se cassera au niveau du visage. Ah oui, c'est gênant. C'est un peu ennuyeux pour le sourire. Écoutez, en attendant, vous l'accélérez de notre part, d'accord? Chaque matin. Avec plaisir. Et on va se retrouver dans 3 minutes après avoir goûté Bess Orton, Fractal. France Inter. Affaires sensibles. Vincent de Lieuvin, je rappelle que vous êtes conservateur en chef chargé de la peinture italienne du XVIe siècle au musée du Louvre. Et donc vous côtoyez la Joconde tous les jours, vous êtes un peu son ange gardien. Quelles sont les mensurations de la dame ? Eh bien, en fait, elle représentait taille naturelle. C'est un tableau qui est très grand, il fait près de 80 cm de haut sur 54 de large. Donc en fait, c'est souvent une déception d'ailleurs, on l'a entendu dans l'émission tout à l'heure. Ça peut être très déceptif de voir la Joconde, on a l'impression qu'elle est toute petite. Parce que la salle est monstrueuse, elle est très très grande. C'est la seule qui puisse accueillir la foule de ses admirateurs. Mais en réalité, quand vous avez la chance d'avoir un tête-à-tête avec Mona Lisa, eh bien elle est à dimension, à échelle humaine. C'était d'ailleurs prodigieux pour l'époque, c'est quelque chose de nouveau. Et c'était très important par rapport à ce que souhaitait Léonard, qui était vraiment de créer un dialogue très intime entre Mona Lisa et nous. Alors c'est pas une toile, hein, je le disais, faut le redire. C'est pas une toile, c'est du bois. On peut pas la rouler sous son bras pour l'emporter. Voilà. Parce que j'ai dit, il l'a roulé sous son bras. Et en disant qu'il l'a roulé sous son bras, je me suis dit comment il fait pour rouler du bois. Bon, puis je sais pas. Écoutez, hein. vous avez raison de. Voilà, donc il a été assez habile parce qu'il a fallu la cacher. C'était pas si long que ça pour porter 80 cm. C'est quand même, ça passe pas inaperçu. Bon, c'est pas la gloire du Louvre manifestement, parce qu'on aurait pu s'en rendre compte, je pense. Comment prend-on soin d'elle et comment, d'une manière générale, les équipes du Louvre entretiennent et protègent les œuvres au musée, et en particulier la Joconde? C'est quoi la nature de votre travail? Alors, il y a déjà des questions de sécurité. On a la chance d'avoir une direction de la surveillance bien plus efficace qu'il y a 100 ans. Et donc, il y a des dispositifs, évidemment, d'alarme, de caméra, etc. Et puis, il y a aussi des questions, tout simplement, de conservation. On fait notre possible pour que les œuvres soient le mieux conservées possible. C'est-à-dire un contrôle du climat, pour qu'il y ait le moins d'évolution d'un point de vue de l'humidité, de la température, assurer ce qu'on appelle une hygrométrie la plus stable possible. Puis, évidemment, pour les chefs-d'œuvre les plus fragiles, ce qui est le cas de la Joconde, on a des conditions vraiment très particulières qui sont celles d'un véritable, une vitrine climatique. Alors la Joconde, c'est même une vitrine expérimentale. On a des universités italiennes, françaises. On a vraiment des médecins parmi les plus spécialistes au monde des bois anciens. Des médecins, vous dites ? Des médecins, tout à fait. On a des radiologues, on a des chimistes, on a toutes sortes de... Vraiment, ce sont les médecins de la Joconde qui contrôlent l'état de santé de la dame annuellement. Tous les ans, on a une grande séance de travail où on décadre le tableau. On peut le voir de près et l'observer. Mais en réalité, ce qu'on observe, heureusement d'ailleurs, c'est que dans la mesure où elle ne bouge pas et où la vitrine est extrêmement performante, elle ne bouge absolument pas. Là, derrière la Joconde, en fait, c'est un morceau de bois, donc il y a des petits capteurs. S'il y avait le moindre mouvement du bois, on aurait des alarmes. Et pour le moment, heureusement, on n'a jamais eu d'alarme parce qu'effectivement, elle est conservée dans de très très bonnes conditions. Alors, moi, la dernière fois que je l'ai vue, je l'ai regardée, donc je n'ai pas regardé les gens qui étaient autour de moi. Vous les voyez. C'est quoi l'expression des visiteurs quand ils voient la Joconde? Qu'est-ce que vous avez remarqué? Alors, le point de départ, quand même, c'est quand même une grande joie. D'abord parce que il faut y arriver jusqu'à la Joconde. Oui, il y a déjà tout un parcours dans le musée. Il y a un parcours dans le musée, on voit déjà beaucoup de choses. Donc, il y a à la fois une forme d'excitation, peut-être un peu de fatigue, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a l'excitation. Et puis, on rentre dans il y a une grande galerie immense, un peu interminable. Et puis, tout à coup, il y a un peu un effet de surprise parce que c'est au milieu de cette grande galerie. Ouais. On tourne à droite, il y a une indication, et on la voit au loin. Et alors, évidemment, il y a un peu beaucoup de monde entre elles et nous. Et donc, on progresse peu à peu et on voit ce plaisir au moment où les personnes accèdent vraiment, ils ont ce moment je ne vais pas dire d'intimité, en tout cas ce moment où ils sont vraiment face au tableau, il y a cette grande joie de pouvoir enfin la voir. Alors, il y a aussi le plaisir de faire son selfie. Ben, après tout, chacun, c'est une façon de s'emparer du chef-d'œuvre. Et je crois que c'est quand même quelque chose, un moment fort, je crois que chacun peut vivre, de voir le tableau et d'essayer de voir comment on réagit, comment on interprète ce sourire, qu'est-ce que ce tableau nous dit. Et ça fait partie, c'est la magie d'une visite. C'est-à-dire que c'est très personnel, très singulier. Bien sûr. Une rumeur circule selon laquelle le musée du Louvre garderait dans ses réserves une seconde Joconde, au cas où, copie quasi identique de la première, c'est vrai ou pas? J'ai pas le droit de le dire. Non, bien sûr. On a effectivement, par le hasard, on a un tableau. C'est le hasard parce que ça fait partie des tableaux qui ont été récupérés après la Seconde Guerre mondiale, des tableaux vraisemblablement spoliés par les nazis et qui nous ont été restitués d'Allemagne. Et donc ce tableau, qui est potentiellement en attente d'une restitution à ses légitimes propriétaires, est dans nos réserves, toujours dans nos réserves. Et c'est l'original qui est exposé. On n'a pas vocation à exposer des faux, même, bien évidemment. Bien parce que c'est aussi un grand mythe, comme les nombreux mythes de la Joconde, que le Louvre préfère exposer une copie plutôt que l'original. On a même des gens qui se plaignent, qui demandent remboursement des billets parce qu'ils sont choqués d'avoir vu la copie. On leur a raconté ça. Mais non, c'est bien la vraie qui est exposée. Bon, on a bien fait de poser la question. Moi, c'est net, c'est clair maintenant. Est-il possible d'imaginer un nouveau voyage de la Joconde, bah, tiens, par exemple, au musée du Louvre d'Abu Dhabi, après tout? Alors, le musée du Louvre d'Abu Dhabi vient justement, je l'ai accompagné, d'avoir un immense chef-d'œuvre tout aussi important, parce que vous savez que le Louvre a la chance d'être la maison de Léonard de Vinci. On a les cinq tableaux, c'est beaucoup par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie, en termes de peinture. Et surtout, on est les trois derniers tableaux, ceux sur lesquels il a travaillé pendant 20 ans pratiquement, et qui sont son testament scientifique et artistique. Et donc, ils ont en ce moment le Saint-Jean-Baptiste qu'on a apporté, que Léonard avait avec lui, avec la Joconde. C'est un tableau qui est moins fragile que la Joconde, il n'a pas cette grande fissure. La Joconde, je crois que ça, on s'en est rendu compte, vous le disiez tout à l'heure, au retour de son dernier voyage au Japon et ex-URSS, c'est un tableau dont on a vraiment aujourd'hui pris conscience des fragilités intrinsèques. Mmh. Et je crois, là, je suis un peu l'un des médecins à la Joconde, donc je ne peux lui souhaiter de bonnes choses pour sa vie à venir. Je crois qu'effectivement, c'est une chose qu'il faut éviter. C'est un tableau profondément fragile et ce serait vraiment très périlleux. Comme je vous le dis, le risque, c'est que le bois casse soudainement et c'est le visage qui sera coupé en deux. Donc ça vous angoisserait quand même si il devait voyager. C'est extrêmement les expériences qu'on a sur le vieillissement des bois anciens montrent que les vibrations et les changements climatiques, même si on essaie de contrôler, c'est vraiment un traumatisme pour les œuvres d'art ancien. C'est un tableau qui a plus de 500 ans, hein, la Joconde. Elle a été commencée vers 1503. C'est une très vieille dame. Combien de temps il a mis Il a commencé vers 1503 et elle est toujours inachevée. Hein. Oui, il est mort en 1519. Mais... Oui, pardon. Donc c'est un tableau, vous voyez, il l'a pas pendant plus de 15 ans. C'est un tableau sur lequel il est revenu pendant plus de 15 ans, il y a travaillé. Quel est votre regard sur ce qu'on racontait de la diplomatie gaulienne et cette Joconde comme levier d'une diplomatie gaulienne? C'est assez fascinant, hein. C'est fascinant et d'une certaine façon, c'est toujours formidable. Je trouve que l'art continue à être quelque chose d'important et serve aussi, alors je dirais pas forcément, enfin, les intérêts de la France, bien sûr, globalement, mais aussi une certaine image de la France, de sa culture. Justement, on parlait tout à l'heure du projet d'Abu Dhabi. Je crois que ça en fait partie, justement, et on le fait dans la mesure du possible et d'une façon peut-être aujourd'hui plus, à la fois plus raisonnable, toujours tout aussi ambitieuse, mais raisonnable avec des œuvres qui peuvent voyager. Et là, justement, la présence du Saint-Jean-Baptiste là-bas, on est en une illustration. Mais je crois, au contraire, moi qui suis un amateur d'art, heureusement, c'est pas une chose à part, c'est une chose qui fait partie de la vie, et c'est normal que le politique s'en empare de temps en temps. Alors, la Joconde a été également la cible d'une première agression pour des motifs politiques en 1956, lorsqu'un jeune Bolivien a lancé une pierre sur le tableau, et le verre brisé a abîmé légèrement la peinture, nécessitant une petite restauration. L'homme travaillait en France, il était menacé d'expulsion. Alors, il a expliqué à la police avoir agi de la sorte pour une façon de faire entendre sa cause. Plus tard, Mona Lisa sera agressée, alors cette fois au Japon, puis en 2009, hein, vous voyez, c'est récent, elle a reçu une tasse d'une touriste apparemment déséquilibrée. Et puis alors, au mois de mai dernier, cette fois en lien avec la défense du climat, elle était agressée aussi, mais pourquoi c'est une telle cible? On peut pas effectivement, je pense, mais d'une certaine façon, heureusement, comme elle est bien protégée, elle a même pas pu goûter le gâteau qui lui avait été envoyé. Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, effectivement, c'est quand même une icône. Donc, dès que vous touchez à une icône, la réception de votre geste est planétaire. Oui. Et bien évidemment, vous avez là, vous faites des images qui sont absolument merveilleuses et vous pouvez faire entendre votre voix grâce à la popularité de la Joconde. Donc, effectivement, on se sert de sa popularité pour défendre une cause personnelle ou plus large, hein, comme celle du climat. C'est tout à fait naturel et à mon avis, ça va se poursuivre. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, conservateurs, hein, on en est responsables, on garde cette œuvre dans cette vitrine extrêmement perfectionnée et voilà, qui la protège. Vincent Delieuvin, docteur, merci pour tous ces éclairages. C'était passionnant parce que c'est un univers, voilà, que on connaît pas forcément les coulisses de votre univers. Et merci de nous l'avoir transmis. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les voyages de la Joconde, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Henri Bérec.